m'anime et me donne de l'espoir. Je veux aller jusqu'au bout de l'histoire. Moi j'ai envie d'y croire dans mon cœur. Tout ira mieux demain. Tout.